Psaume 113. Louez l'Éternel. Louez, vous serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. Le nom de l'Éternel est digne de louange depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. L'Éternel était élevé par-dessus toutes les nations, sa gloire est par-dessus les cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, lequel habite au lieu très haut? Qui s'abaisse pour regarder aux cieux et en la terre? Qui relève l'affligé de la poudre, et retire le pauvre de dessus le fumier? Pour le faire asseoir avec les principaux, dis-je, de son peuple. Qui donne une famille à la femme qui était stérile, la rendant mère d'enfants, et joyeuse. Louez l'Éternel.